Ce matin, on va commencer une série qui a un rapport avec, avec la communauté. Denise, ce matin, nous a parlé de l'exercice, hein, l'exercice qu'on va faire bientôt, le 12 juin, de voter pour, enfin, qui est-ce qu'on voit comme dirigeant spirituel dans la communauté, aussi bien que pour des gestionnaires dans la communauté. Et puis tout ça, c'est en lien avec la définition, hein, la restructuration de la communauté. Et ce matin, on veut prendre quelques semaines, et je vais commencer ce matin, et dans. Probablement qu'il va y avoir aussi deux autres dimanches, puisqu'on va faire un retour sur notre définition comme communauté. On a réimprimé temporairement, on va faire quelque chose de plus beau que ça, là. On a réimprimé temporairement donc notre définition, donc l'Église chrétienne du roi des rois. C'est un nom temporaire que nous avons, qui va changer tôt ou tard. Alors là, qui nous sommes, notre mission, nos valeurs, nos objectifs. Alors, pendant quelques dimanches, on va parler de. On va faire un retour là-dessus et on va voir un petit peu plus tard ce matin pourquoi que nous allons faire un retour. Alors, nos prochains partages, du moins étant moi, je vais apporter le partage, appuyé par d'autres personnes aussi, parce que dans les prochains dimanches, les personnes qui ont participé aux tables de la définition vont aussi contribuer avec moi pour expliquer davantage les valeurs que la communauté du roi des rois a adoptées. Pourquoi on a adopté ces valeurs-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va parler de perspectives d'avenir. L'avenir. De notre communauté, dans cette communauté, perspective d'avenir pour notre communauté. On pourrait parler des défis, hein, des défis. Pas dans le sens, et là mon temps commence. Pas dans le sens que d'un challenge, il faut réussir, il faut relever un défi, puis on part en croisade, hein, une campagne, et puis. Mais. Les défis qui sont devant nous, dans le sens que ce que nous sommes et ce que nous voulons être, hein, le être. Quelqu'un a dit, tu peux faire sans être, mais tu ne peux pas être sans faire. Alors, ce n'est pas tellement le faire, il faut faire quelque chose. Les défis sont devant nous pour faire quelque chose. Mais c'est plus ce défi pour être. Qui nous sommes, ce que nous devenons. Et puis, suite au être, ben, le faire va s'exécuter, va s'opérer de façon biotique. Un défi que nous avons, j'ai marqué les défis, mais un défi que nous avons entre autres, moi, je l'appellerais le défi d'être une présence de Dieu et du projet de Dieu au monde et aux générations de la postmodernité. Je pense à David, entre autres, dans un psaume qui disait, qui faisait cette prière à Dieu en disant, prête, hein, prête-moi vie, afin que je puisse, à la génération future, parler de ta gloire, parler de ta grandeur. Puis c'est un peu ça. Le défi que nous avons d'être une présence de Dieu dans ce quartier, dans la ville de Montréal, parce qu'on ne vient pas tous du quartier ici, il y en a qui vivent d'autres quartiers, qui viennent même de Saint-Jean. Hein? Mais être donc présence de Dieu dans ce quartier, entre autres, et du projet de Dieu au monde et au. Génération de la postmodernité. On a déjà parlé de la postmodernité. Dans le sens que, hein, quand on dit postmodernité, on parle de ce qui est au-delà de. Au-delà de la rationalité, au-delà de la modernité, on vit dans un monde qu'on dit post-moderne. Au-delà de. Je parlerai aussi du défi que nous avons de la pertinence. Comment être pertinent comme communauté qui rentrons dans le projet de Dieu? Nous-mêmes, dans nos vies, on a rentré dans le projet de Dieu. Ben, le défi de la pertinence pour la société. Comment actualiser le message de Dieu, l'amour de Dieu, la manifester? Le dictionnaire donnait comme synonyme de pertinence être parfaitement approprié. Hein? Trouver des moyens appropriés pour communiquer le projet de Dieu, le message de Dieu, de façon adéquate. La postmodernité est non seulement donc ce qui est au-delà d'eux, mais la postmodernité, c'est aussi le refus de se laisser enfermer dans une boîte étiquetée. C'est pourquoi on a fait une définition, hein, on a voulu se définir. Parce qu'on ne fait pas partie d'une famille d'Église, donc on a voulu dire, ben, qui sommes-nous? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos objectifs? Mais la postmodernité aussi, donc, c'est ce refus de se laisser enfermer dans une boîte. Lorsqu'on a commencé notre réflexion sur être l'Église autrement, on a commencé par la lecture d'un livre de Brian McLaren. Le livre s'appelait déjà. C'était quoi le. Non, non. Attends, j'ai oublié le nom du livre. Réinventer l'Église. Voilà. On a commencé donc par faire l'étude du livre, hein? Réinventer l'Église. On a même certaines personnes qui ont apporté des partages, Denise, entre autres, apporté des partages sur le thème de réinventer l'Église ou être l'Église autrement. Hein? Et Brian McLaren, après ce livre-là, il a écrit un autre livre qui s'intitulait, et là, je vais vous le lire en français, parce que je l'ai aussi en anglais. Le livre n'a pas été traduit en français, mais par contre, en français, ça se traduirait de la façon suivante, le titre du livre, Une orthodoxie généreuse. Et là, comme sous-titre du livre, Pourquoi je suis un chrétien missionnel, évangélique, post-protestant, libéral, conservateur, mystique, biblique, charismatique, contemplatif, fondamentaliste, calviniste, anabaptiste, anglican, méthodiste, catholique, vert, international, déprimé et pourtant plein d'espoir, émergent, non complété. C'est une bouchée, hein? Parce que ce que Brown essayait de dire au travers de ça, c'est que hein, ce refus d'être limité à une boîte, de dire ben, je suis ça, ou nous sommes cela, c'est l'ouverture à tout ça, que nous sommes à la fois missionnels, évangéliques, post-protestants. On est libéral dans certains, peut-être dans certains, à certains égards, on est conservateur par rapport à d'autres égards. Hein? Quelqu'un disait, pour mes amis conservateurs, je suis libéral. Pour mes amis libéraux, je suis conservateur. Hein? Où est-ce qu'on se situe? Mais voilà. Comme communauté, donc, ça a été la démarche de la communauté. Depuis d'ailleurs très longtemps avant, avant même que je vienne vous accompagner, hein, déjà il y avait une démarche dans ce sens-là, je pense, de sortir de la boîte et puis de ne pas vouloir être identifié à une boîte spécifique, hein, mais d'être ouvert sur l'ensemble de l'expression de l'Église dans le monde. Quelqu'un a dit, Par rapport, parce que souvent, les églises qui s'identifient à cette démarche-là, souvent on les appelle des églises émergentes, dans le sens qu'elles émergent, hein, de toutes ces boîtes, hein, elles émergent, puis elles disent, c'est un peu comme quelqu'un qui nage dans l'eau, hein, la tête sortie de l'eau. Hein. Alors, on est dans tout ça, on baigne dans tout ça, mais hein, on émerge, là. Il y a une émergence. Et quelqu'un a dit, par rapport au discours que nous tenons comme communauté, hein, il n'y a pas seulement moi qui apporte la parole, il y en a d'autres. Et puis, quelqu'un disait donc, nous disons les choses d'une manière nouvelle, sans pourtant dire des choses nouvelles. Nous disons les choses d'une manière nouvelle. Ce n'est pas nécessairement de nouvelles choses. On croit aux mêmes choses. Mais on le dit d'une nouvelle façon. Afin d'être, hein, entre autres, on parlait de pertinence, de la pertinence, l'actualisation pour la société. On pourrait dire que hein, depuis, pas seulement depuis 3 ans, hein, mais même avant, il y avait eu des changements. Je m'adresse à ceux qui sont là depuis très longtemps. Hein. Il y a eu beaucoup de changements dans cette communauté. Mais quelqu'un a dit que devant le changement, nous avons trois possibilités. On peut être en avance du changement. On peut suivre le changement ou on peut refuser le changement et se faire distancer. Je parlais justement avec Jean-François tantôt, il me demandait quand je suis en République dominicaine, est-ce que je prêche, est-ce que je vais dans des églises. Puis, entre autres, je lui disais que j'étais allé dans une église, entre autres, mais c'était tellement mort, c'était tellement. Ça manquait de dynamisme. Hein, de dynamisme. Parce que, hein, il y a certains, on connaît des églises, hein, qui sont demeurées, ils ont refusé le changement, et puis se font distancer, hein, distancer, parce qu'ils n'ont pas changé avec le temps. À Noël, entre autres, après le repas du réveillon de Noël, qui a été servi à l'église du Très-Saint-Rédempteur, à laquelle on a participé. Après ça, je suis allé à la messe de minuit. Je ne dirais pas à telle église que je suis allé à la messe de minuit, au cas où quelqu'un écoute notre blog. Mais je suis allé à la messe de minuit dans une église catholique. Il y avait à peine 50 personnes dans une grande église. 50 personnes, pas de jeunes. Et durant la messe, il y a 3 jeunes qui sont rentrés, sont à peine restés 5 minutes, puis sont ressortis. Et je me suis dit, c'est dommage. Voilà une église qui a une crédibilité quand même dans la société. Hein? Parce que c'est drôle à dire, même si les gens ne fréquentent pas l'église à tête romaine, si vous demandez à quelqu'un à quelle religion ils appartiennent, ils vont dire catholique. Je suis catholique. Je ne vais pas à l'église, mais je suis catholique. Allez sur Facebook, maintenant sur d'autres sites hein, sociaux comme ça. Puis les gens souvent vont afficher comme religion catholique romaine. Ils sont catholiques. Mais ils ne vont pas à l'église. Puis je me disais que c'est dommage que cette église, en voilà une église, qui refusant de changer, refusant de faire une relecture, s'est fait distancer au point qu'elle n'a plus d'impact dans la société qu'elle pourrait avoir. Puis je me disais, c'est dommage. Il me semble que avoir même un petit peu d'énergie dans cette messe-là, là, Il y a des jeunes du quartier qui seraient allés sans doute à la messe de minuit. Mais les trois qui sont rentrés sont ressortis 5 minutes après. Un prédicateur, OK. Ça, c'est un prédicateur américain qui disait, les chrétiens sont censés non seulement de supporter les changements, ni même d'en profiter, mais de provoquer le changement. Et je disais, ce prédicateur-là, Fosdick, était un homme avant son temps. Était un homme avant son temps. Il y en a peut-être qui le reconnaissent pour avoir lu certains de ses livres. Parce qu'un prédicateur américain était en avance de son temps. Et puis, je pense qu'il était déjà postmoderne, dans la modernité. Et il disait donc, comme chrétien, les chrétiens sont censés non seulement de supporter les changements, ni même d'en profiter, mais de provoquer, on serait supposé de provoquer le changement dans la société. N'est-ce pas que souvent, nous sommes plus souvent qu'autrement réactionnaires au lieu d'être créateurs de changement? Hein? On réagit au changement au lieu de créer le changement. Nous sommes souvent à la remorque de la société ou de la culture. Au lieu d'être en train de créer quelque chose de neuf dans la culture, dans la société. J'ai choisi un texte ce matin, sur lequel on a déjà parlé il y a quelques mois ou quelques dimanches, ça doit faire peut-être un bon 2 mois que j'avais parlé de l'histoire d'Abraham. Mais je veux revenir seulement sur l'exemple d'Abraham. Ce que Dieu dit à Abraham et qu'il nous dit à nous aussi. Lorsque dans Genèse 12, verset 2, et Dieu s'adresse à Abraham, il va dire, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Quand j'ai parlé sur le thème ou sur la vie d'Abraham, on avait lu aussi d'autres versions de la Bible de ce verset. Comme dans la parole de vie 2000, ils vont traduire, eux, au lieu de dire « Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres », ils vont traduire « Je bénirai les autres par toi. Par toi, je vais bénir d'autres. » Dans la version de Jérusalem, les traducteurs ont traduit « Sois toi. » Sois une bénédiction. Je te bénis, là. Je te bénis. Ben, sois une bénédiction à ton tour. C'est toi, je te donne, donne-le. Fais comme moi, je fais. La Seconde Révisée va dire, deviens donc, hein, une source de bénédiction. Bill Dalton disait que la sagesse, c'est de voir les choses de la perspective de Dieu et de répondre à Dieu dans ce même sens. La sagesse, on va prier pour la sagesse, hein? Seigneur, donne-moi la sagesse. En réalité, qu'est-ce qu'on est en train de dire, Seigneur ou Dieu, donne-moi de voir les choses dans ta perspective. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Et d'agir, de répondre dans ce sens-là. Alors, là, si on regarde ce texte d'Abraham, la sagesse voudrait que nous regardions nos vies, ce que Dieu nous donne, de la même façon qu'il a dit à Abraham, je te bénis, en vue que toi, tu deviennes une bénédiction, tu existes pour bénir les autres. Comme communauté, comme Église, c'est vrai qu'on se rassemble ensemble, on vient dimanche matin, pour se recentrer. Là, si on envoie une fusée, on a beau, hein, lancer la fusée pour aller sur sur Mars ou sur la Lune. Mais alors que la fusée est lancée, le feu qui était allumé pour lancer la fusée ne suffit pas. Mais en cours de route, ils vont devoir allumer les gaz pour corriger la trajectoire. Parce que les vents, la vélocité, la gravité vont faire que la fusée va dévier. Et puis, on allume les gaz pour ramener la fusée, puis pour aller à sa destination. Puis on a déjà dit, on vient le dimanche matin, on participe à l'église, ou on participe à des groupes d'études, justement dans ce but-là, qu'on se ressente. On allume les gaz, pour corriger notre trajectoire, parce que on abonde dans le sens du projet de Dieu pour nos vies et pour la communauté. C'est vrai. Mais c'est aussi vrai que comme communauté, nous existons pour le bien de la communauté plus grande. Quelqu'un a dit que l'Église est la seule entreprise qui existe pour le bien des autres. La seule entreprise qui n'existe pas pour les profits de ses actionnaires. Hein? Mais que l'Église existe pour le profit, pour le bien des autres. Dietrich Bonhoeffer, dont on a cité souvent théologien qui a péri durant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, je pense que c'est toi, Jean-François, lors de ton dernier partage, tu as cité Bonhoeffer. Bonhoeffer qui disait, l'Église n'est réellement Église que tant elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. L'Église n'est réellement Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. On n'existe pas pour nous-mêmes, on existe pour les autres. On vit le projet de Dieu et puis on invite d'autres à rentrer dans ce projet-là. On a fait l'exercice de se définir. On va juste passer en revue ce qu'on a fait comme travail, comme les gens qui ont participé à la table de travail. Quelqu'un m'a envoyé un email dernièrement pour me dire qu'est-ce qu'il en est de ce document-là. Alors je lui dis, mais il a été voté, adopté le 3 mars. Alors, il y a peut-être des. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'il y a peut-être même des membres de la communauté, ben non, des gens qui viennent, puis ils ne sont pas tout à fait au courant, de ce document qu'on a adopté le 3 mars pour dire voilà qui nous sommes. Comme communauté, nous sommes cela. Nous avons fait l'exercice de dire, ben, OK, où sommes-nous? Alors, je ne passe pas trop de temps là-dessus, mais on a statué, donc, on est situé sur une artère commerciale, en milieu urbain, dans un quartier dynamique, en mutation, il y a des changements, et confronté à diverses problématiques sociales. On n'a pas voulu les mentionner, les problématiques, mais vous les connaissez, les problématiques. Hein? La pauvreté, la prostitution. Les gangs de rue, dans les parcs, la drogue. Mais c'est un quartier sans mutation parce que des gens, il y a un renouvellement du quartier. Alors que des gens, des travailleurs, de jeunes familles viennent s'installer dans le quartier, des gens qui travaillent, donc il y a un changement du tissu social du quartier. Deuxièmement, notre identité. Nous avons dit que nous sommes une communauté chrétienne d'arrière-plan protestant se voulant œcuménique. On n'a pas voulu conserver le mot évangélique dans notre identité pour ne pas être confondu avec ce qu'on appelle la culture fondamentaliste. D'accord? Parce que souvent, dans la pensée des gens, lorsqu'on dit évangélique, et d'ailleurs, ils vont se tromper, ils vont dire évangéliste au lieu de dire évangélique. Alors, on pense tout de suite fondamentaliste, George Bush, Ça me rappelle quelqu'un à Rosemère qui parlait avec sa coiffeuse. Et puis, il lui disait à quelle église qu'il allait, à Rosemère. Elle dit, ah, tu vas à l'église de Bush! Parce que tout de suite pour eux autres, évangélique égale fondamentaliste égale Bush. C'est ça. C'est des gens qui. Hein, vous êtes anti ceci, anti cela, tata, tata. Hein? Bon, tu sais, c'est déjà catalogué dans leur esprit. Donc, on a voulu dire on est une communauté chrétienne. D'arrière-plan protestant, parce que hein, le protestantisme est notre arrière-plan. C'est notre, on s'identifie à la réforme, à la réforme de Martin Luther, hein, des réformateurs, Jean Calvin, entre autres. Hein. Et puis, on se veut œcuménique dans ce sens que, un peu comme Van Beethoven disait, là, on est tout ça, là. On est orthodoxe, missionnaire, évangélique, post-protestant, libéral, conservateur, on est tout ça. Enfin, on est œcuménique, dans le sens qu'il y a une ouverture. On n'est pas renfermé dans un credo de dire, voilà, qu'est-ce qu'on croit. Puis, si tu ne crois pas ça de même, là, ben, tu ne peux pas faire partie de nous. Okay? Ça existe encore aujourd'hui, des églises comme ça. Okay? Ils ont leur credo, puis tu dois croire exactement ça si tu veux devenir membre. Puis là, faut que tu signes, comme quoi que tu crois ça. Okay? Donc, ensuite, on a parlé de notre énoncé de mission. Où on a dit notre mission, puis on a passé beaucoup de temps là-dessus, hein? Beaucoup de temps. Les gens de la table là, à discuter, à partager, ça a été enrichissant. Enrichissant. Et c'est pourquoi je vais vouloir, dans les prochaines semaines, que certains membres de la table puissent, avec moi, participer à expliquer les valeurs qu'on a adoptées. Mais on a dit, notre mission, comme communauté. Notre mission est d'être ici et ailleurs, des témoins actifs de l'amour du Dieu de la Bible manifesté en Jésus-Christ. Comment on va faire ça? Est-ce qu'on pourrait la dire ensemble, notre mission? On pourrait le répéter ensemble? Disons-la ensemble. Notre mission est d'être ici et ailleurs des témoins actifs de l'amour du Dieu de la Bible manifesté en Jésus-Christ. Je vous invite à l'apprendre par cœur, à le mémoriser. Si quelqu'un vous demande, c'est quoi votre mission? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, vous êtes capable de le réciter. Okay? Comment on va faire ça? Alors, on mentionne trois façons qu'on va le faire. En accueillant et en accompagnant toute personne dans son cheminement humain et spirituel. Tout de suite, on est en train de dire la façon dont on se positionne face aux gens. On se positionne tout de haut pour dire, voilà, nous, on est arrivé ici, là, puis toi, tu es là. Hein? Alors, tu dois, hein, parvenir à être là où nous sommes. Nous, on est plus spirituel que toi. Okay? On est en train de dire, on est là pour accompagner. L'accompagnement, comme quelqu'un disait, ça c'est le ministère de Barnabas. Hein? Barnabas avait le don de l'exhortation qui veut dire le don du bras long. Puis accompagner, ça veut dire donc, hein, mettre le bras autour, puis tiens, viens, on accompagne. On accompagne. Cœur, on n'est pas en train de dire. On n'est pas ici, hein, on pousse. Pauvre Nathalie. J'aurais dû prendre Daniel. Hein? Mais l'accompagnement, on est en train de dire, notre position, c'est d'accompagner les gens. On accompagne. On pourrait, oui, on pourrait gérer tout là, hein? Mais c'est pas le choix qu'on fait de diriger. D'accompagner. Deuxièmement, en s'impliquant au sein de la communauté dans un esprit d'authenticité et d'ouverture. C'est-à-dire, là, on parle au niveau social. On s'implique dans la communauté, dans la société. On n'essaie pas de réinventer la roue, mais plutôt d'être sel et lumière dans le milieu où nous sommes. Le sel, là, il ne se force pas, hein? Tu mets du sel dans tes pommes de terre. Tu mets du sel dans. Peu importe la recette que tu fais, le sel n'est pas dans le sens. Il faut que je. J'influence. Ah, hein? Non, hein? Ils se font, ils se mélangent ou tout, puis le tout est salé. On est sel dans la société. On est le sel. On est lumière. La lumière ne se force pas pour briller. Tu l'allumes, pas briller. Hein? On est le sel et lumière dans la société. Et troisièmement, en s'engageant pour le bien du monde et de la création, on s'engage. On est en train de dire qu'on est non seulement soucieux des âmes, hein? Auparavant, on était très soucieux du salut des âmes. Des âmes. Combien d'âmes t'as amené au Seigneur cette semaine? Je disais que parfois, la façon dont on parlait du salut des âmes, c'est un peu comme les Indiens avec leur scalp. Combien de scalps t'as remporté cette semaine? C'est pas ça. Hein? On est en train de dire, c'est pas ça. On est soucieux aussi de notre mandat créationnel de prendre soin de la planète. C'est ce qu'on est en train de dire. En s'engageant pour le bien du monde et de la création. Je termine avec ceci. Okay? Cinq phases d'un changement quelconque. C'est que dans tout changement, peu importe, que ce soit dans une entreprise privée ou dans une église, lorsqu'on opère un changement, il y a cinq phases dans la gestion d'un changement. Et c'est pourquoi qu'on prend le temps de le faire ce matin. C'est pas redondant. On ne sera pas en train dans les prochaines semaines de radoter. C'est parce que cinq phases dans la gestion administrative d'un changement. Donc, la première, c'est le connu. On a pris connaissance. Là, il y en a sur la table. Hein? Vous pouvez en prendre. Mais déjà, on a voté. On a voté sur ça. On a dit, on a adopté ça. Là. Ça, c'est connu, là. Il y a des gens qui vont arriver puis qui vont prendre connaissance de ce document. Okay? Alors, on le sait, on le reconnaît. Mais ça ne suffit pas. Il y a une deuxième phase. C'est de comprendre, de compris. Je pense qu'on est dans cette phase-là. On est dans cette phase de comprendre. Comprendre qu'est-ce qu'on vient de faire. Comprendre ce qu'on a dit, là, ce qu'on a écrit, là. Qu'on a dit, oui, je suis d'accord, oui. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'on a bien compris notre mission? Là, ça va parler de nos valeurs. Est-ce qu'on les comprend, ces valeurs-là, ce qu'elles veulent dire réellement? C'est pourquoi je vais inviter des membres de la table à venir nous expliquer peut-être deux ou trois valeurs par dimanche. Je vais dire, mais pourquoi qu'on a adopté cette valeur-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qu'on a accepté comme définition. Troisièmement, on l'accepte. Une fois qu'on l'a compris, ah, c'est ça que ça veut dire. Ben, il faut l'accepter. Adhérer. C'est quoi que tu disais tantôt, Denise? Hein? Pardon? Tiens pas. Mais il y a une appartenance, hein? C'est l'appartenance, c'est pas l'appartenance. Donc, accepter, là, accepter, c'est hein, l'appartenance, de dire, ouais, ça m'appartient, ça. C'est à moi, ça. Ouais, cette annoncée de mission-là, là, ben, c'est plus la table, là, c'est plus la table de définition, c'est moi qui l'accepte. C'est ça que je veux, oui. Donc, l'acceptation du changement. Puis quatrièmement, respecter ensuite. Le faire. Il y a des valeurs dont on va parler, là. Accueillir, une de nos premières valeurs, c'est l'accueil. Accueillir les personnes dans le respect du cheminement de chacun, dans un esprit de dialogue et d'écoute. Ben, il va falloir respecter ça. Hein? Là, c'est le respect de dire, on va respecter, une fois l'avoir compris, respecter qu'est-ce qu'on a accepté comme définition de la communauté. Et cinquièmement, nous allons voir les effets voulus. On dit généralement que ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Tant qu'il y a un changement dans une entreprise, dans un groupe social, ça peut prendre jusqu'à 2 ans avant de voir les effets voulus. On s'est assis aux tables de définition, on a parlé. Puis on a dit, qu'est-ce que nous voulons? Quel genre de communauté voulons-nous être? Mais avant que ça s'imprègne, avant qu'on ait compris, accepté, respecté, ça peut prendre peut-être 1 an, 2 ans, avant qu'on commence à voir des effets voulus au sein de la communauté, mais aussi au sein de la plus grande, hein, communauté. Qu'on commence à s'impliquer, on commence à faire partie des groupes sociaux, on commence à être bénévole ici, bénévole là, on commence à faire partie de certaines tables de concertation dans le quartier, on commence à avoir des effets de ce qu'on a dit que nous croyons, ce que nous voulons être. C'est pour ça qu'on va prendre le temps. Dans les prochaines semaines, de bien comprendre. Vous, on connaît. Vous avez pris connaissance. Comme membre, comme adhérent, maintenant, c'est de comprendre. Et enfin, de pouvoir ensuite l'accepter, d'avoir l'appartenance à se dire, ça m'appartient, c'est moi, ça. C'est moi. C'est pourquoi on va apprendre, on va mémoriser l'énoncé de mission parce qu'on va dire, c'est moi, ça. Je veux l'apprendre par cœur, je veux me la mémoriser parce que c'est moi. C'est plus cette, je sais pas moi, les membres de la table, c'est moi. Je m'identifie à ça. Voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. Ouais, on s'arrête là pour ce matin. OK?